إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 3 dans l'explication du livre Al-Mashru' wal-Mamnu' min al-Tawassul, écrit par le Cheikh Abdul Salam ibn Burgess al-Abdul Karim rahimahullah. Et on s'est arrêté à l'endroit où le Cheikh explique le sujet dont il va parler après avoir fait une introduction sur l'importance du tawhid et de la aqida. Et donc il expliquait que le sujet dont il allait parler c'est at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu, c'est-à-dire le tawassul, les règles, ses règles et ses différentes catégories, différentes sortes ou différentes catégories. Et donc c'est le sujet dont on va parler dans ce livre. Et on commence donc, le Cheikh il dit وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي غَايَةِ الْأَهَمِّيَّةِ وَيَجْدُرُ بِالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ مَعْرِفَتُهُ وَتَفَهُّمُهُ إِذِ الْجَهْلُ بِهِ سَبَبٌ رَئِيسِ لِتَفَشِّي الشِّرْكِ بِنَوْعَيْهِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ. Donc le Cheikh Abdus Salam, il dit que ce sujet, le sujet du tawassul, c'est un sujet qui est très important pour les musulmans et pour les musulmanes. Et c'est une nécessité, une obligation pour les musulmans et les musulmanes de connaître ce sujet et de bien le comprendre comme il faut, parce que si on ignore ce sujet ou le fait de l'ignorer, eh bien c'est une des causes principales dans la propagation du shirk, dans ces deux formes, ces deux catégories majeures, c'est-à-dire le shirk majeur et mineur. Si on ignore la réalité de qu'est-ce que c'est tawassul, et si on ignore la distinction entre ce qui est permis et ce qui est interdit vis-à-vis du tawassul, eh bien ça, ce sera une des conséquences, ou ce sera plutôt une des causes principales dans la propagation du shirk majeur et du shirk mineur. Et ça, ce sera une des conséquences de cette ignorance-là. Donc c'est très grave, c'est très dangereux. Donc il faut connaître ce sujet et bien le comprendre. Et le Cheikh, il explique une des raisons pour lesquelles il est encore plus important de le comprendre et de connaître ce sujet-là en disant ce qui suit. Il dit « كما أن هذا الموضوع قد امتدت يد بعض أهل الأهواء إليه فعبثت به حيث دعت إلى الإشراك بالله تحت مسمى التوسل فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc le Cheikh il dit, c'est une raison pourquoi c'est si dangereux et si important de bien expliquer ce sujet, c'est qu'il y a des gens de bid'ah, des gens de passion qui ont joué avec ce sujet-là et qui ont essayé de mélanger les gens à son sujet Et ils ont appelé au nom du tawassul à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont égaré, ils se sont égarés eux-mêmes et ont égaré avec eux beaucoup d'entre les hommes, et ils les ont égarés du droit chemin. Donc c'est très important donc, de comprendre, parce qu'il y en a qui mélangent tawassul et le shirk. Hein, et le fait d'invoquer les morts, d'invoquer les pieux, d'invoquer les hommes pieux et d'invoquer les saints dans leur tombe et de les appeler au secours lorsqu'ils ont besoin d'aide ou lorsqu'ils ont des situations de détresse, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils invoquent des êtres créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont morts ou vivants, et ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils appellent ça tawassul. Alors que ça, ça n'a rien à voir avec le tawassul. Hein? Ça, c'est du shirk majeur. Hein? Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans la bid'ah de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par un être humain. Par un être humain, comme par exemple, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner quelque chose par le nom du prophète, ou par le prophète, ou par le statut du prophète, ou par son degré. Tout ça, c'est des formes de bid'ah. Hein, les ulama ont mentionné que ça rentre dans le shirk mineur, puisque c'est quelque chose qui peut t'amener à tomber dans le shirk majeur et à demander directement au prophète par la suite. Donc lorsque quelqu'un dit par exemple « Oh Allah, je te demande par le nom de ton prophète » ou « Oh Allah, je te demande par le degré de ton prophète » ou « Oh Allah, je te demande par le statut de ton prophète », tout ça c'est des formes de bid'ah. Hein? C'est des choses que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné et les sahaba n'ont jamais fait non plus. Et on va expliquer les détails à ce sujet-là et les preuves. Et on va mentionner que ça, c'est dangereux de tomber dans ce genre de bid'ah, puisque c'est quelque chose qui peut amener les gens à tomber dans le shirk par la suite. Puisque c'est ça ce qu'on constate chez les soufis. Et c'est eux, en général, qui se concentre sur ce genre de bid'ah. C'est une imitation des chrétiens et des juifs, et c'est une voie vers le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est très très grave et très dangereux. Après, le cheikh il dit وَلَا عَاصِمَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي حَبَائِلِ هَؤُلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثُمَّ الْعِلْمِ الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ جُنَّةٌ من كل ضلالة وحماية من كل بدعة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالتفقه في هذا الموضوع أمر محمود به يسلم المسلم من الشبه الخاطفة فيه وبه يحمل سلاح العلم الذي يضرب به هام أهل البدع وبه يعبد الله على بصيرة من دينه. Donc le cheikh il explique que il n'y a rien qui peut protéger le musulman contre le fait de tomber dans les cordes ou dans les pièges, dans les filets de ces égarés parmi les gens de bid'ah et parmi les gens du shirk, excepté Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut nous protéger contre le fait de tomber dans les filets et les pièges de ces gens-là. Puis ensuite, qu'est-ce qui peut nous protéger ensuite, après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien entendu la science. Hein, la science de la charia, la science de la révélation, la science de la religion, qui est un bouclier contre tout égarement et une protection contre toute innovation. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cheikh, il mentionne le hadith, et celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Il lui donne la compréhension de la religion. Donc le fait de chercher la compréhension de la religion par rapport à ce sujet-là en particulier, de chercher la compréhension en général, c'est quelque chose qui est louable, mais dans ce sujet-là en particulier, c'est quelque chose de louable en particulier, puisque c'est quelque chose qui va faire en sorte que le musulman va être épargné par la permission d'Allah des différentes ambiguïtés et des doutes et des faux arguments qui sont présentés par ces gens de bid'ah pour égarer les gens et qui les accrochent et qui les égarent facilement, hein, s'ils n'ont pas de science. Et également, ce sera une arme. Ce sera une arme pour eux, hein, parce que la science, c'est une arme aussi, par laquelle il arrivera à frapper les arguments, ou les shubuhat plutôt, les faux arguments de ces gens de passion. Et par cette science, il arrivera également à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, avec compréhension dans sa religion. Et le Cheikh, il dit, pour terminer cette introduction, il dit: وفي هذه المحاضرة سوف أتقدم إليكم أيها الأحبة ببعض المعلومات المهمة في هذا الباب سائلا المولى جل وعلا الإعانة والتوفيق. Donc le Cheikh, il dit, je vais expliquer dans cette conférence, puisqu'à l'origine ce livre était basé sur une conférence qui avait été donnée par le Cheikh. Donc il dit, dans cette conférence, je vais vous présenter oh vous mes frères que j'aime, certaines des informations importantes dans ce sujet, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et son succès. Donc maintenant, il commence par expliquer la signification du terme tawassul dans la langue et dans la religion. Dans la langue et dans la religion. Donc j'aurais pu faire une définition ou donner une définition depuis le début du livre, mais j'ai préféré laisser le terme, hein, sans le mentionner, sans le définir, pour que justement, lorsqu'on arrive à l'endroit où le cheikh l'explique, qu'il explique la définition, et donc on aura par la suite, on comprendra qu'est-ce que ça signifie. Et donc en même temps, ça garde les gens en même temps l'envie de vouloir comprendre, de vouloir savoir qu'est-ce que c'est at-tawassul, hein, puisque on entend souvent parler de ce terme-là. Et souvent, les gens de bid'ah, ils l'utilisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils lui donnent une fausse définition. Et donc, c'est important donc de le connaître et de le comprendre comme il faut, et de savoir sa définition dans la langue arabe, selon les dictionnaires de langue arabe classique, et également dans la religion, dans la définition que les savants de l'islam ont mentionnée au sujet de ce terme, selon les textes du Coran et de la Sunna. Donc, الشيخ الدي إن أول عناصر هذه المحاضرة الكلام على معنى التوسل في لغة العرب وفي كلام الشارع، إذ إن أكثر من ضل في هذا الباب إنما ضل بسبب عدم معرفة معنى التوسل في لغة العرب وفي كلام الشارع. الشيخ الدي le premier sujet dont on va parler dans cette conférence, c'est le fait d'expliquer la signification linguistique dans la langue des Arabes, de la langue des Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, et dans la langue du législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, parce que la raison que la plupart d'entre ceux qui ont dévié dans ce sujet-là, la raison pour laquelle ils ont dévié, c'était à cause justement du fait qu'ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas connu la signification linguistique et la signification islamique de ce terme. فَجَعَلَ لِلْتَوَسُّلِ مَعْنًا غَيْرَ وَارِدٍ فَجَعَلَ لِلْتَوَسُّلِ مَعْنًا غَيْرَ وَارِدٍ فِي اللُّغَةِ وَغَيْرَ وَارِدٍ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فَوَقَعَ فِي الْهَلَكَةِ. Donc le cheikh, il dit, donc ces personnes, à cause de leur ignorance de la signification du terme tawassul dans la langue arabe et dans la parole ou dans les termes du législateur, c'est-à-dire dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à cause de leur ignorance de ça, ils sont tombés dans la perdition et dans leur perte. شيخ الزفة التوسل في كلام العرب له معان منها أن التوسل هو التقرب فالوسيلة القربة. Donc il dit parmi les définitions du terme التوسل il y a التقرب, c'est-à-dire le fait de se rapprocher, hein, de se rapprocher de quelque chose. نعم donc التقرب, c'est-à-dire le fait de se rapprocher. Et donc le terme wasila, parce que le terme tawassul, hein, ça vient du terme wasila, et al-wasila c'est al-qurba, hein, donc c'est-à-dire le moyen par lequel on se rapproche de quelque chose. Et dans le dictionnaire, dans les dictionnaires arabes, al-qamus, on donne la définition suivante. Wassala ilallah, hein, wassala ilallah ta'ala tawsilan amila amalan taqarraba bihi ilayhi katawassala. Donc dans le dictionnaire c'est écrit wassala ilallah tawsilan, wassala tawsilan, c'est-à-dire lorsqu'on dit wassala ilallah, lorsque la personne a fait une action par laquelle elle se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, on utilise le terme wassala yuwassilu, hein, quand on dit par exemple wassala ilallah, ça veut dire quoi? Wassala ilallah, ça veut dire il a fait une action, ou le fait de faire une action par laquelle on se rapproche à lui, par laquelle on se rapproche à Allah. Donc quand on dit tawassala, ça veut dire que quelqu'un a fait une action par laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite وهذا المعنى هو الذي يخص موضوعنا في هذا فلنقتصر عليه. Cette définition, c'est la définition qui est spécifique et particulière à notre sujet. Et donc, on va se limiter à cette définition-là. Parce que comme vous savez, comme j'ai déjà expliqué ailleurs, qu'un mot peut avoir plusieurs définitions selon le contexte et peut avoir peut être employé de façon différente selon son contexte. Mais dans le contexte dans lequel on est en train de parler, ou le contexte à propos duquel on parle, eh bien, il se limite à la signification de at-taqarrub, le fait de se rapprocher. Maintenant, dans la langue de la révélation, dans le langage de la révélation, on retrouve le terme tawassul ou wasila, hein, comme par exemple dans deux versets dans le Coran, on retrouve le terme wasila. الشيخ الزفت التوسل في كلام الشرع ورد في آيتين من كتاب الله تعالى الأولى في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون والآية الثانية في سورة الإسراء وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc le cheikh il explique que dans la langue de la révélation, dans le langage de la révélation, on a retrouvé ce terme dans deux versets dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le premier verset, c'est le verset 35, dans Surat al-Ma'idah. Le verset 35, dans Surat al-Ma'idah. Donc ça, c'est le premier verset dans lequel on trouve l'emploi du terme wasila. Et le verset signifie, ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Wabtaru ilayhi l'wasila. Wabtaru, c'est-à-dire chercher, ilayhi, c'est-à-dire vers lui, l'wasila. Cherchez vers lui le moyen de vous rapprocher. Hein? Donc cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Wajahidu fi sabilihi. La'allakum tuflihun. Pour que vous puissiez, hein, être parmi ceux qui réussissent. Donc ça, c'est le premier verset dans lequel on trouve le terme « wasila ». Et le deuxième verset, c'est les versets 56 et 57 dans surat Al-Isra. Al-Isra, qui est la surat qui vient après surat Al-Kahf, ou avant surat Al-Kahf, surat 17. Donc, versets 56, 55 et 56. Non, 56 et 57 plutôt. Naam. 56 et 57. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux gens, de dire aux mushrikin, dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher de lui, hein, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les mushrikines invoquent, cherchent eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont invoqués par les mushrikines, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire que ceux que les mushrikines invoquent, eux aussi sont des créatures créées par Allah subhanahu wa ta'ala qui cherchent eux aussi à se rapprocher le plus d'Allah. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc comment tu peux invoquer quelqu'un qui ne peut rien faire pour lui-même et qui peut encore moins faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre et qui lui-même craint le châtiment de son Seigneur et espère en sa miséricorde? Donc tu ne dois pas invoquer ces créatures-là, mais tu dois plutôt invoquer le Créateur de ces créatures-là et le Seigneur de ces créatures-là qui eux-mêmes cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification du verset dans Al-Wasila. Le Cheikh, il explique maintenant de façon plus spécifique, plus claire, la signification de ce terme dans les deux versets. فما معنى التوسل في هاتين الآيتين أما الآية الأولى فإن معنى الوسيلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة القربى قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء وقال قتادة تقرب إليه بما يرضيه وقال أبو عبيدة يقال توسلت إليه أي تقربت إليه وأنشد البيت يعني البيت في هذا المعنى. نعم. وقيل معنى الوسيلة المحبة قاله ابن زيد فالمعنى تحبب إلى الله وهذا ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع لأن التحبب إلى الله تعالى نوع من أنواع التقرب إليه فالخلاصة أن معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته سبحانه. Donc le Cheikh il dit pour le premier verset qui a été mentionné, qui est le verset 35 dans Surat Al-Ma'idah, la signification du terme wasila dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez un moyen de vous rapprocher, hein, cherchez un moyen de vous rapprocher vers lui. Ça veut dire al-wasila ici, taru ilayhi al-wasila, c'est-à-dire al-qurba, c'est-à-dire un moyen de vous rapprocher ou un rapprochement. Ça a été rapporté par Ibn Abbas. Ça a été rapporté dans le tafsir selon Ibn Abbas, selon Atta, selon Mujahid et selon Al-Farra, qui sont tous des grands savants. Le tafsir en commençant bien entendu par le sahabi Abdullah ibn Abbas, hein, le neveu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on appelle Turjuman al-Qur'an, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation pour lui, pour qu'il apprenne l'interprétation et la compréhension du Coran. Il avait dit Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ou Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui la compréhension ou l'interprétation du Coran. et les autres, Atta et Mujahid et Al-Farra, sont des grands parmi les tabi'in, parmi les savants de tafsir aussi. Et Qatada aussi, qui a dit, taqarrabu ilayhi bima yurdihi, c'est-à-dire rapprochez-vous de lui par ce qui amène son agrément. Et Abu Ubaida aussi, qui a dit, yuqal tawassaltu ilayhi et taqarrabtu ilayhi, c'est-à-dire on dit tawassaltu ilayhi dans le sens de chercher un rapprochement vers lui, essayer de vous rapprocher vers lui. Et il a mentionné un vers de poésie qui prouve ce sens-là dans la langue arabe. وعاد التصافي بيننا والوسائل. Et il a mentionné aussi que aussi qu'est-ce qu'on a dit parmi les significations du terme al-wasila, c'est al-mahabba. Ça, c'est-à-dire un des moyens ou une des significations du terme wasila, c'est al-mahabba. Ça a été dit par Ibn Zayd, un autre parmi les savants de tafsir. Et il a dit que la signification donc que c'est dans ce sens-là, tahabbabu ilayhi, chercher un moyen vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher un moyen vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, et ça, cette différente interprétation, le fait de dire que ça signifie al-mahabba ou l'amour, eh bien, c'est pas une divergence de contradiction ou d'opposition, mais plutôt c'est une divergence de variation, dans le sens qu'il y a une différente variation, mais elle ne change pas le sens, parce que ça revient au même, puisque chercher d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des formes parmi les formes ou une des sortes parmi les sortes des choses qui te rapprochent d'Allah. L'amour d'Allah, c'est une des choses qui te rapproche d'Allah, donc c'est pas une divergence dans l'interprétation qui vient opposer l'interprétation des autres parmi les savants de tafsir, mais plutôt qui vient ramener une variation qui est dans le même sens que ce que les autres savants de tafsir qu'on a mentionné avant ont mentionné. Donc, pour conclure et pour résumer, qu'est-ce qui a été dit par rapport au sens du terme al-wasila dans ce verset, c'est, comme le cheikh il le dit ici, la signification du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wabtaghu ilayhi al-wasila, c'est-à-dire chercher ce qui peut vous rapprocher de lui, parmi les différentes obéissances ou adorations que vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que tout ce qu'on fait pour se rapprocher d'Allah, ça rentre dans la signification du terme wasila. Donc, par exemple, la salat, ça rentre dans le terme wasila. La zakat, le hajj, le jeûne, le tawhid, la sunna, l'islam, l'iman, l'ihsan, le khawf, le mahabba, le raja, le tawakkul, toutes les différentes formes d'adoration qui existent dans l'islam, toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire, ça rentre dans al-wasila, puisque ce sont des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des messagers d'Allah, l'amour des anges, l'amour du bien, l'amour des bonnes œuvres, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça sont des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça dont on parle dans le verset. Chercher un moyen vers lui, c'est-à-dire quelque chose qui vous rapproche de lui. Et le cheikh il dit wa hadha al ma'na la khilaf bayna al mufassirin fihi kama qala ibn kathir rahimahullah ta'ala. Il dit que cette signification là, il n'y a aucun savant parmi les mufassirin, parmi les savants de tafsir, qui ont divergé à son sujet. Tous les savants de tafsir sont tous d'accord à ce sujet là et ça a été mentionné par l'imam Ibn Kathir. C'est-à-dire Ibn Kathir, dans son tafsir, il explique qu'il n'y a pas de divergence chez les savants de tafsir à ce sujet-là. Ils sont tous d'accord sur cette signification. Ensuite, le cheikh il explique le deuxième verset. Il dit « Amma al-ayatu al-thaniya, fa inna ma'na qawlihi ta'ala, يبتغون إلى ربهم الوسيلة ils cherchent un moyen pour se rapprocher de lui le plus encore أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة كما في تفسير الجلالين وغيره من التفاسير donc les ulama parmi les définitions ou les interprétations qu'ils ont données à ce verset ils recherchent un moyen de se rapprocher à leur Seigneur. C'est ça ce qu'ils ont dit. Ils recherchent un moyen de se rapprocher à leur Seigneur par l'obéissance, par son obéissance. Et ça, c'est mentionné dans le tafsir qu'on appelle Al-Jalalayn et dans d'autres également parmi les tafsirs. Et le Cheikh dit « فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمَعْنَ الشَّرْعِي لِلْوَسِيلَةِ هِيَ الْقُرْبَةِ وَهِيَ كَذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ » Donc, il dit qu'on peut comprendre clairement maintenant que la signification légale, selon la charia, du terme al-wasila, c'est le rapprochement, al-qurba. Et également, dans la langue arabe classique, dans la langue arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, on utilisait le terme wasila dans ce sens-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui est un moyen de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un? وإذا علم هذا فإن بعض الناس أخطأ في تفسير كلمة الوسيلة مما فتح باب شر عظيم على المسلمين في عقائدهم فقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أن بعض الصوفية فسر الوسيلة في الآية الكريمة في من سورة المائدة بأنها الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه وهذا ضلال عميم وافتراء مبين وتقول على الله رب العالمين نعم donc le cheikh il dit lorsqu'on a su ça maintenant eh bien il faut comprendre maintenant qu'il y a certaines personnes qui ont fait des erreurs dans la compréhension ou dans l'interprétation du mot wasila comme il est mentionné dans le Coran. Il y en a qui ont mal compris la signification et qui ont fait une erreur à ce sujet-là et qui ont ouvert par la suite à cause de ça une grande porte pour le mal chez les musulmans et un danger et un mal dans leur croyance et dans leur aqidah. Et le Cheikh Al-Allama, le grand savant Muhammad Amin Shanqiti rahimahullah, il a mentionné ça dans son livre, il a dit que certains d'entre les soufis, parce que ce sont les soufis qui ont ouvert cette porte vers le shirk et vers l'égarement, et donc certains d'entre les soufis ont interprété le terme wasila dans le verset, dans Surat al-Ma'ida, verset 35, en disant que al-wasila ça signifie le shaykh qui est un intermédiaire entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala, ou entre quelqu'un et son Seigneur. Donc ils ont interprété Al-Wasila comme étant un homme, un être humain. Ils ont dit que Al-Wasila, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Wabtahu ilayhi al-Wasila » que ça veut dire chercher un Wasila vers Allah, c'est-à-dire un homme qui va être un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, comme un intercesseur ou un intermédiaire. Donc tu vas, au lieu d'adresser tes prières à Allah, et de chercher un moyen pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, eux, ils disent, eh bien, tu demandes à quelqu'un qui est pieux, un homme pieux ou un saint, et lui, il va prier ou envoyer tes prières pour toi à Allah subhanahu wa ta'ala, ou il va s'adresser à Allah pour toi, ou des choses de ce genre. Le cheikh, il dit, ça c'est un égarement, un grand égarement, et une fausseté, quelque chose de faux qui a été inventé contre Allah subhanahu wa ta'ala, un mensonge qui a été inventé contre Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le fait d'inventer des choses et de mettre des mots dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'inventer des mots qui ne font pas partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ومن الناس من يعتقد أن الوسيلة هي ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء وكل هذا باطل لا أثارة من علم عليه. Il dit parmi les gens également, et souvent c'est parmi les soufis ou parmi les shi'a, rafida, hein, ça c'est deux groupes parmi les groupes chez lesquels tu trouves ce genre d'égarement-là. Soit chez les soufis, et les soufis, comme vous savez, ils sont divisés en différentes sectes et en différentes turuq soufis. Turuq c'est le pluriel de tariqa, hein, et c'est comme ça qu'ils appellent leur voie des turuq. Et c'est des sectes en réalité. Donc il y a les Boutchichiya, les Saharwardiya, les Naqshbandiya, les Shadiliya, les Rifa'iya, les Tijaniya. Donc il y a toutes sortes d'autres turuq aussi, ça c'est juste quelques-uns. Les Saharwardiya, les Jistiya, les Chistiya, et ainsi de suite. Il y a les Mouridiya, hein. En tout cas, il y en a des centaines comme ça. Donc, toutes ces turuq, ils ont des idées comme ça. Hein? Et ils interprètent al-wasila de cette façon-là. Hein? Donc, c'est souvent c'est chez les soufis que tu trouves ça. Et également chez les rafida. Shia, rafida et aussi les autres. C'est-à-dire, il y a les rafida parmi les shia, mais il y a plusieurs sectes parmi les shia. Il n'y a pas que les rafida. Mais les rafidas sont parmi les sectes les plus extrémistes. Et les ulama les considèrent comme étant des kuffars. Hein, puisqu'ils invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent, hein, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les invoquent et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Et ils adorent leurs tombes et des choses de ce genre. Et il y a aussi les Ismaïliya, et les Nusayriya, les Druzes. Hein. Toutes ces sectes-là sont des sectes aussi encore plus extrémistes que les, et plus égarés et plus kuffars que les Rafida. Donc imaginez à quel point ils doivent être considérés comme étant des égarés. Donc ça, c'est des gens aussi la même chose. Ils invoquent des morts, ils prient des tombes, ils prient des... C'est eux-mêmes qui ont introduit ces choses-là parmi les musulmans. Et les soufis, par la suite, ont pris ça d'eux et l'ont propagé parmi les gens qui se disent sunnis. Hein? Donc, mais à la base, ça vient de chez les rafida, les shi'a. Na'am. Donc, parmi les gens, il y en a qui disent ou qui croient que al-wasila, c'est les prophètes et les hommes pieux et les saints. Et tout ça, c'est bien entendu, c'est totalement faux. Et ce n'est basé sur aucune trace de science. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le Coran et la Sunna. Le Cheikh il dit: وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الوسيلة تبين تفسير أن تفسير الوسيلة بالشيخ أو بالذوات خطأ كبير لا يقره الشرع المطهر ولا يرضاه. Donc la parole des salaf parmi les Sahaba et les tabi'in dans le tafsir du terme wasila. Quand on lit leurs paroles au sujet de la signification de ce mot, on voit clairement dans leur tafsir que yani, ça n'a rien à voir avec un cheikh ou les êtres des prophètes et des anges ou des saints ou des choses de ce genre. Non. Ça, c'est une grave erreur et il n'y a rien dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui agrée ou qui supporte ou qui confirme ce genre de fausses interprétations de leur part. Et bien entendu, yani, ces soufis essaient souvent de rapporter des paroles ou des citations ou des choses qu'ils essaient d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de supporter ça. Mais souvent, ce sont des hadiths qui sont soit fabriqués faux, c'est-à-dire que ce n'est même pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des paroles inventées qu'on attribue faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit ce sont des hadiths da'if, c'est-à-dire qui sont faibles, donc qui ne peuvent pas être utilisés comme une preuve dans la sharia, ou bien ce sont des hadiths qui sont mal interprétés ou falsifiés dans leur interprétation, hein, que eux ils essaient de les interpréter de cette façon-là sans aucune preuve. Na'am. Donc ça c'est très important de comprendre ça, parce que ces gens-là jouent avec ça. Ils jouent avec les faux hadiths, hein, des hadiths maudou, qui ont été déclarés par les savants de hadith comme étant fabriqués ou faibles, ou ils jouent avec la signification des hadiths pour essayer de leur donner une fausse signification pour justifier le shirk qu'ils font ou les bid'a qu'ils font. Le shaykh il dit ensuite: وبيان ذلك أن السلف متفقون جميعا على أن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني هي القربة إلى الله بطاعته وكذا في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Donc le cheikh explique que la clarification à ce sujet-là, c'est que tous les salafs sont d'accord, sans exception, que le terme wasila dans la parole d'Allah, le verset 35 dans Surat Al-Ma'ida, ça signifie Al-Qurba ila Allah bi ta'atihi, c'est-à-dire de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance. Et ainsi que dans le verset 57 dans Surat Al-Isra, et ils recherchent un moyen vers leur Seigneur, c'est-à-dire un moyen de se rapprocher vers leur Seigneur, que ça veut dire Al-Qurba, un moyen de se rapprocher vers leur Seigneur, et non pas qu'ils cherchent un cheikh pour se rapprocher de leur Seigneur ou pour intercéder auprès de leur Seigneur, ou qu'ils cherchent le prophète ou un prophète pour se rapprocher de leur Seigneur ou des choses comme ça. Ça n'a aucune yani référence dans la religion, aucune yani authenticité. Le cheikh il dit ensuite, il parle d'un autre point maintenant qui est relié directement avec ce point là qui est très important aussi, c'est de comprendre les conditions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre adoration. C'est quoi les conditions pour que notre adoration soit acceptée? Le cheikh il dit al-shurut, shurut sihhat al-ibada, c'est-à-dire les conditions de l'authenticité de notre adoration. Le cheikh il dit wal-qurbatu ila Allah yashtaritu fiha amran نص عليهما كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتفق عليهما سلف هذه الأمة. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في هذه القربة كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى فاعبد الله مخلصين فاعبد الله مخلصا له الدين وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Donc le cheikh il explique que pour que tes actions soient valables et soient acceptées, il faut qu'elles respectent certaines conditions, sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas, tes actions. Il acceptera pas tes actions, que ce soit tes prières, tes jeûnes, ton hajj, ta zakat, ta sadaqa, ton dua, peu importe qu'est-ce que tu fais comme action pour te rapprocher d'Allah, Allah ne va pas l'accepter, sauf si elle respecte deux conditions. Le cheikh il dit, al-qurbatu ila Allah, donc le fait de se rapprocher à Allah, nécessite deux choses qui sont mentionnées dans le livre de notre Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les salafs de cette umma, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs de cette umma, ont tous été d'accord sur ces deux choses. La première chose, al-amru al-awwal, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi hadhihi al-qurbati, kama qala ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc le cheikh il mentionne la première chose, la première condition, c'est al-ikhlas. La première condition pour que tes actions soient acceptées, c'est al-ikhlas, que ton action soit faite avec pureté d'intention, c'est-à-dire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc lorsque tu décides de faire cet acte ou cette chose qui te rapproche d'Allah, il faut la faire avec ikhlas, avec sincérité, avec pureté d'intention pour Allah seul et pour rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Al-Bayyinah, le verset 5, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils n'ont été ordonnés, c'est-à-dire les gens du livre, ils n'avaient été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif en hanif, c'est-à-dire en étant hunafa, c'est-à-dire en se tournant vers Allah seul et en s'écartant totalement des idoles et du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est ça être un hanif. Un hanif, ou le pluriel c'est hunafa, c'est de se tourner vers Allah seul, de s'incliner uniquement vers Allah et de se détourner complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les idoles et autres. Le deuxième verset que le cheikh il a mentionné, c'est le verset 2 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'budu Allah mukhlishan lahu ad-din. C'est-à-dire, adore Allah subhanahu wa ta'ala en purifiant complètement ta religion pour lui, en rendant ta religion pure, exclusivement pour lui, et pour rien d'autre que lui. Et le verset 14 dans Surat Ghafir, la même signification. Fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din walau kariha al-kafirun. C'est-à-dire, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est pure, c'est-à-dire avec ikhlas, avec pureté et sincérité dans votre adoration et dans votre invocation, en purifiant votre religion uniquement pour lui et sincèrement pour lui, même si cela déplaît aux mécréants. Et le cheikh, il dit ensuite, il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, « وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وخرجه ابن ماجة ولفظه أنا منه بريء وهو للذي أشرك. C'est-à-dire que Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, il dit, le très haut et l'exalté dit, je suis celui qui se passe entièrement de tout partenaire. Donc c'est dans le sens que ana arna shuraka et ani shirk. C'est comme s'il dit, parmi les choses que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui n'a besoin de rien, n'a pas besoin d'aucun partenaire. Alors celui qui fait une action dans laquelle il associe quoi que ce soit avec moi, il associe quoi que ce soit d'autre que moi dans son adoration, eh bien je l'abandonne lui avec son partenaire à qui qu'il m'a attribué. Je l'abandonne ce qu'il a, son action, je laisse ce qu'il a fait comme action pour moi, et je la laisse à celui avec qui il m'a associé. Tu comprends? C'est ça, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien, de personne, et que si quelqu'un fait une action pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il donne un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, cette action-là, je n'en veux pas. Et je la laisse pour celui avec qui tu m'as associé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte l'action de quelqu'un que lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle est faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est très important. Et donc, l'action qu'on fait doit être exempte de shirk majeur et de shirk mineur. Shirk majeur, c'est lorsque tu adores d'autres que Allah avec Allah, ou que tu adores d'autres que Allah directement. Et le shirk mineur, lorsque tu adores quelqu'un, c'est-à-dire lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est-à-dire lorsque tu fais une adoration, mais tu le fais pour te faire glorifier des gens, pour te faire remarquer, pour te faire voir, pour te faire entendre. Donc lorsque tu fais une action pour te faire remarquer, pour te faire voir par les gens, eh bien ça rentre dans le shirk qu'on appelle le shirk mineur, ou bien on l'appelle aussi ar-riya, et on l'appelle aussi al-shirk al-khafi, shirk caché. Et la deuxième condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre action et nos adorations, il y a une deuxième condition. La première, on l'a mentionné, c'est al-ikhlas. La deuxième, c'est al-mutaba'a. C'est-à-dire, le cheikh il dit الأمر الثاني أن يكون هذه القربة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que l'adoration que tu fais, même si tu la fais avec ikhlas, avec sincérité, il y a une autre condition qu'elle doit respecter, cette adoration, c'est qu'elle soit en accord avec ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a lui-même pratiqué. Il faut que cette adoration-là vienne de l'exemple du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et sinon, elle ne peut pas être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va pas l'accepter. Même si elle est faite avec sincérité, même si elle est faite pour Allah seul. Et le cheikh, il explique ça en disant فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَفْعَلْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَمْ يُشَرِّعْهَا فَلَيْسَتْ مِمَّا يتقرب به إلى الله تعالى وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى لأن الله تعالى تعبدنا بما شرعه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بما رأته أذهاننا وملت إليه أهواؤنا. Donc le cheikh explique que toute adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite, c'est-à-dire il ne l'a pas faite et il ne nous l'a pas ordonné de le faire, alors elle ne fait pas partie des choses par lesquelles on doit se rapprocher d'Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite ou il ne l'a pas ordonné, ne l'a pas enseigné, alors ça ne fait pas partie des choses par lesquelles on doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la personne qui fait cette action-là a une intention qui est correcte et qui est pure pour Allah seul. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a uniquement ordonné de l'adorer parce qu'il a légiféré par la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non pas parce que nos propres esprits ou imaginations ont inventé ou pensé ou par rapport à ce que nos désirs ou nos passions ont désiré. Non, il faut se référer à la révélation, soit le Coran ou la Sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc encore là, ça c'est un point très important, c'est que l'adoration, c'est pas suffisant que cette adoration là soit faite yani, en se basant sur un hadith qui serait par exemple faible ou fabriqué comme certains soufis, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais l'adoration doit être faite avec une preuve d'un hadith authentique. Avec une preuve d'un hadith authentique. Et non pas un hadith faible ou un hadith fabriqué, comme parfois qu'est-ce qu'on retrouve chez certains soufiyins. Et le cheikh il mentionne certaines preuves à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, قَالَ تَعَالَى اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh il rapporte quelques exemples pour prouver que le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par autre que l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle une innovation, une bid'a. Et il mentionne des preuves dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, et que cette action-là n'est pas acceptée. Il mentionne le verset 3 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah ta'ala dit: suivez ce qui vous est révélé de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas rien d'autre en dehors de cela comme allié, comme vous vous souvenez peu. Et le verset 31 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, dit au Muhammad, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc si vous aimez Allah, suivez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne suivez pas l'exemple du messager, eh bien c'est la preuve, hein, si vous suivez pas son exemple, au lieu de suivre son exemple, vous faites des innovations, vous inventez des formes d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faites, donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de le suivre, vous êtes en train de le dépasser, hein, vous êtes en train de passer devant lui. Et donc ça, ça veut dire que même si vous prétendez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ces choses-là, eh bien vous ne l'aimez pas vraiment. Donc tu vois des gens par exemple qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple certains d'entre les gens de bid'a comme les Ahbash, la secte des Ahbash, hein? Ces gens-là, on entend yani que ils appellent tout le temps à ce genre de bid'a, comme le fait d'invoquer les morts, de prier les morts, de prier les tombes, hein? Et ils déclarent kuffar même ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur le shirk, hein? C'est-à-dire ceux qui condamnent le shirk et qui interdisent le shirk et les bid'a, ils les déclarent mécréants tellement ils sont extrémistes, hein? Donc ces gens-là, ces ahbash, ils déclarent la guerre aux salafis, ils inventent contre les salafis et contre les gens qui suivent la sunna toutes sortes de mensonges et de calomnies et de choses totalement fausses, hein? Et ils les appellent des wahhabis et ils disent ceux-là sont des wahhabis. Et ils essaient de faire croire aux gens que Mohammed ibn Abdul Wahhab a ramené des choses qui sont différentes de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et que c'était un extrémiste, ou que c'était un d'entre les Khawarij, ou que c'était quelqu'un qui était sur quelque chose de différent de ce que suivaient les quatre imams des Madahib, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmad. Alors que la vérité, c'est que non, même Mohammed ibn Abdul Wahhab suivait la même chose que ce que suivaient l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et tous les autres imams parmi les imams des salaf. Et lui-même, il rejetait et il réfutait les Khawarij, hein, et il les condamnait, yani les Khawarij. Donc comment aurait-il pu être lui-même des Khawarij, parmi les Khawarij, hein? Donc ça, c'est des exemples pour montrer les mensonges et les calomnies de ces ahbash, de ces soufiyins, et de ces asha'ira, et de ces maturidiyya, et de ces soufiyya, hein, et de ces shi'a, rafida, qui inventent des bid'a, qui inventent des formes de shirk, et qui les attribuent, hein, à l'islam, et qui condamnent ceux qui les critiquent par la suite, en les traitant de wahhabi, en les traitant d'extrémistes, ou des choses de ce genre. L'extrémiste, c'est celui qui invente des bid'a, et qui amène des bid'a et du shirk dans la religion, et non pas celui qui s'accroche au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs, hein, et qui suit ça à la manière et à l'exemple des ulama de cette umma. Ça, c'est pas les extrémistes. Les extrémistes, c'est ceux qui dévient et qui ramènent des innovations et qui s'écartent de ce que suivaient les salafs de cette umma. Donc on doit faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, on ne doit pas le faire. Et Aïcha radiallahu anha, elle mentionne, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Et comme c'est mentionné dans une narration également de l'imam Muslim, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, cela sera rejeté. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam, c'est rejeté. Allah ne va pas l'accepter. C'est-à-dire, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne l'a pas fait, donc c'est pas, fait pas partie de ses enseignements et de sa sunna. Et juste, je voulais juste mentionner un point, justement, puisque à cette période-ci, il y a bientôt les gens qui vont célébrer ce qu'ils appellent Al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils préparent pour cette occasion-là des fêtes, des cérémonies, des chants, des danses, hein, des spectacles de rap maintenant. Ils ont incorporé le rap, et les chants hip-hop, les chants R&B et d'autres catégories différentes de différents styles de musique des kuffars, Yannick. Donc ils ont ramené ça dans l'islam maintenant. Au nom de l'islam, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de ce qu'ils appellent Al-Mawlid. Et ça, c'est une des bid'as parmi les bid'as que les soufis ont inventé et que les shi'a rafidans ont inventé et qu'ils ont ramené dans l'islam, qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et celui qui pratique ça, c'est un signe de son égarement. C'est un signe de son égarement. Puisque ceux qui font ces choses-là, en réalité, ça veut dire que, souvent, ils cachent beaucoup d'autres bid'as derrière. Ils cachent beaucoup d'autres bid'as derrière, et même parfois du shirk. Donc c'est très grave et c'est très dangereux. Et souvent les gens, dans les pays musulmans, ils pratiquent cette célébration-là par tradition et par coutume, sans réellement savoir d'où ça vient, et ils le pratiquent par ignorance parfois. Hein. Mais ceux qui sont à l'origine de cette bid'a et qui encouragent les autres musulmans à le faire, ceux-là savent très bien d'où ça vient, et ils savent que c'est complètement faux et que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et parmi les arguments qu'on mentionne justement pour réfuter cette bid'a, c'est l'exemple, Yannick, de ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, lorsqu'il dit que celui qui invente quelque chose dans notre religion, cela sera rejeté. Ou celui qui pratique quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, eh bien, cela sera rejeté. Hein? Et également, Yannick, donc, eux, souvent les soufis, ils disent, oui, mais il n'y a rien de mal, on ne fait rien de mal. On fait juste mentionner, par exemple, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on fait des chants, des réjouissances et des choses comme ça, et on ne prépare de la nourriture. Hein. Bon, ça, c'est un exemple de bid'a aussi, parce que tout ça, c'est le signe qu'ils ont fait de cette journée-là une journée particulière. Un jour qui est différent des autres, et ils en ont fait une fête, une célébration. Et dans l'islam, il n'y a que deux fêtes. Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Naam. Celui qui rajoute dans la religion une fête qui ne fait pas partie de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, alors il a inventé une innovation dans la religion d'Allah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, on leur demande, à ceux qui font cette célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appellent le Mawlid, on leur pose la question suivante. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà célébré sa naissance? Ça, c'est la première question. Deuxième question. S'il ne l'a pas célébré lui-même, puisque c'est ça la réponse, il ne l'a jamais célébré. Puisqu'il ne l'a jamais célébré, puisqu'il ne l'a jamais célébré lui-même, est-ce qu'il a ordonné à ses compagnons de le faire? Est-ce qu'on a une preuve, soit dans le Coran ou dans la Sunna, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a... Assalamu alaikum, Habib. Donc, est-ce qu'on a une référence, soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ordonné aux sahaba de célébrer le jour de sa naissance? Si vous avez une preuve, ramenez-la. C'est ce qu'on dit. Mais il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a une preuve? Donc, maintenant, déjà, on est clair qu'il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, sur ça. Qui est explicite et qui est clair. Il dit, oui, vous devez célébrer le jour de ma naissance. Déjà, historiquement, on ne connaît pas le jour de sa naissance. Les historiens sont d'accord pour dire qu'on ignore le jour exact de sa naissance. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Ils savent peut-être que c'est, par exemple, un jour tel, soit un jour de la semaine en particulier peut-être, mais la date, ils ne savent pas. Et ils sont d'accord, par contre, pour dire que c'est le jour de sa mort. C'est-à-dire, ceux qui célèbrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils appellent le Maulid, ils célèbrent en réalité la date de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Ils savent la date de sa mort, mais ils ignorent la date de sa naissance. Ils ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Donc, est-ce que c'est correct de célébrer la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Autant que ce n'est pas permis de célébrer sa naissance, célébrer sa mort, c'est encore pire. Hein? Ceux qui célèbrent la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Les ennemis de l'islam. Donc, ça, c'est déjà un point encore. Ensuite, maintenant qu'on est d'accord sur la base, puisque pour dire qu'une action est en accord avec la charia, ou qu'elle fait partie de l'adoration, ou qu'elle fait partie de la religion, hein, il faut qu'elle soit prouvée soit par le Coran ou par la Sunna. Si elle n'est pas prouvée par le Coran et la Sunna, on regarde maintenant dans les actions des Sahaba. Hein, est-ce qu'il y aurait peut-être une ijma, un consensus sur la question? C'est-à-dire, est-ce que les Sahaba ont pratiqué cette chose? Est-ce qu'on a trouvé parmi les Sahaba Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum, qui sont les quatre Khulafa Rashidin, ou bien d'autres parmi ces Sahaba qui auraient dit ou qui auraient fait cet acte-là, c'est-à-dire qu'ils auraient célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aucun. Aucun d'entre les Sahaba. Et on n'a pas une athar à ce sujet-là, aucune narration authentique de leur part. Donc ça veut dire qu'elle n'existe pas, cette bid'a, chez les Sahaba. Maintenant, allons vers les tabi'in, la génération qui suit les Sahaba et qui a appris l'islam avec les Sahaba. Est-ce qu'on trouve parmi les tabi'in un d'entre eux qui aurait célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La même chose, on ne trouve pas ça. Hein? Maintenant, allons voir chez les tabi'i tabi'in, c'est-à-dire les élèves des Sahaba, ceux qui ont étudié avec les élèves des Sahaba. Est-ce que parmi eux, il y en a un qui a célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la réponse est encore non, aucun d'entre eux. Et si on mentionne par exemple, parmi les grands imams des premiers siècles de l'islam, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, aucun d'entre eux n'a jamais célébré le Mawlid al-Nabawi, la célébration de la naissance du prophète. Donc ceux qui disent, moi je suis Hanafi, ou moi je suis Maliki, ou moi je suis Shafi'i, ou moi je suis Hanbali, hein, et qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande, est-ce que les fondateurs ou les hommes parmi les grands imams à qui, hein, ces madahib sont attribués, ces grands imams parmi les imams des salafs, est-ce que l'un d'entre eux a célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et la réponse est non. Hein? Et la même chose pour les autres grands imams de leur époque, comme l'imam al-Tabari, le grand savant de tafsir, ou bien l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Ishaq ibn Rahouya, Hamad ibn Zayd, Hamad ibn Salama, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan ibn Uyayna, ou bien l'imam Ishaq ibn Rahouya, ou bien l'imam Al-Hassan al-Basri, ou d'autres, ça c'est un tabi'i, et les autres également, parmi les rapporteurs de hadith et les grands savants de hadith, comme l'imam al-Bukhari. Est-ce que l'imam al-Bukhari a mentionné dans son sahih un hadith ou bien un chapitre qui parle de la naissance du prophète sallam en tant que fête et qu'on doit célébrer ça? Non. Et est-ce qu'il l'a fait lui-même célébrer ça dans son existence, dans sa vie? Jamais. Et l'imam muslim, hein? Est-ce qu'on a lu ça dans son sahih ou bien on a vu que lui-même il a célébré la naissance du prophète sallam? Jamais. Et l'imam Abu Daoud, Imam Abu Daoud, un des grands savants de hadith, un des élèves de l'imam Ahmad, hein, et l'imam Muslim, l'imam Al-Bukhari, un des grands, un de leurs grands élèves. Est-ce qu'il a déjà fait le maulid? Jamais. L'imam Al-Nasa'i, la même chose. L'imam Ibn Majah, la même chose. L'imam Al-Tirmidhi, la même chose. Hein? L'imam Al-Darqutni, l'imam Al-Bayhaqi, ou bien l'imam, parmi les, hein, Az-Zamakhshari, non, les Zamakhshari, ça c'est plus tard après. Hein? Et en plus, c'était un Mu'tazili. Donc, il n'est pas une référence dans ça. Mais c'est juste pour te donner l'exemple des imams de la Sunna. Regarde, par exemple, l'imam Ahmad, c'était non seulement un des grands imams parmi les quatre imams des Madahib, mais en plus, c'était aussi un des rapporteurs de la Sunna, puisqu'il a qu'est-ce qu'on appelle la Musnad de l'imam Ahmad. Hein? Est-ce qu'il a lui-même fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Donc, dans tous ces imams, à travers ces siècles, on n'a jamais trouvé un d'entre eux qui a célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les trois meilleurs siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari. Il a dit, les meilleurs hommes sont ma génération, ceux de ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Ça veut dire que ces trois générations-là sont les meilleures générations. Hein? Et parmi les musulmans de ces trois meilleures générations-là et ceux qui les ont suivis parmi les imams des salafs par la suite, aucun d'entre eux n'a jamais célébré l'exemple de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de la naissance d'aucun d'entre les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés auparavant. Donc, on peut dire que cette chose, cette fête ou cette célébration-là n'a aucune origine ni dans les textes du Coran et de la Sunna, ni dans la pratique des premières générations, ni de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième. Donc, on peut dire avec certitude et avec conviction que cette célébration-là ne fait pas partie de la religion d'Allah, ne fait pas partie de l'islam, et que celui qui la pratique a innové dans la religion d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » Hein? C'est-à-dire que toute innovation est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc la pire des choses, la pire des choses, et à son époque, il n'y avait pas de bid'a. À son époque, sur sallam, il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas d'innovateur. Mais il a quand même mis en garde, et il mettait en garde dans chaque khutbah, dans chaque discours qu'il donnait, il disait ça à la fin. Il disait, la pire des choses, c'est les innovations dans la religion. Hein? Donc, il nous met en garde contre ce genre de choses. Na'ti ila hada. On arrive à ce sujet, on arrive à ce point-là. Maintenant, comme on a dit, hein, on est clair que ça c'est une innovation. Et là, n'importe qui, même ceux qui vont pratiquer cette bid'a, ils n'ont pas le choix, selon cette définition, de dire que oui, qu'est-ce qu'on fait, c'est une bid'a. Alors ils doivent trouver une ruse maintenant, ou un moyen pour faire en sorte que ce qu'ils font comme bid'ah soit accepté. Hein? Parce que sinon, n'importe qui il arrive avec une bid'ah, quelque chose de nouveau qui n'existe pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie du Coran, ni de la Sunna, ni de l'exemple des Sahaba, ni ainsi de suite. Alors ils doivent faire quelque chose ou dire quelque chose pour essayer de faire que les musulmans acceptent. Sinon, tout le monde va leur dire, mais non, ça c'est une bid'ah, on ne peut pas l'accepter, ça, c'est haram. Mais, hein, Il ramène des shubuhat, comme on dit, hein, c'est-à-dire des faux arguments, des semblants d'arguments pour faire en sorte que les gens acceptent cette innovation-là. Et c'est quoi ces exemples de shubuhat? C'est d'essayer de rendre les innovations acceptables ou bonnes. Hein. Donc, ils vont dire, par exemple, qu'il y a deux sortes de bid'a. Il y a une bid'a qui est bonne, puis il y a une bid'a qui n'est pas bonne. Donc, ça, c'est la choubha qu'ils ont inventée. Et ça, c'est, yani, de la part des gens de l'innovation, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Ils vont dire, moi, je ne fais pas une mauvaise bid'a, je fais une bonne bid'a. Et là, si tu lui demandes, mais comment tu fais pour savoir que la bid'a que tu fais, elle est bonne et qu'elle n'est pas mauvaise? Parce que il y en a un autre qui va dire, par exemple, enfin, moi je fais une bid'a, elle est bonne. Et l'autre va dire, mais non, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise celle-là, elle n'est pas bonne. Hein? Peut-être qu'elle est bonne pour toi, tu penses qu'elle est bonne, mais elle n'est pas bonne pour de vrai, elle est mauvaise. Donc, la réponse à cette question-là, elle est dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je te pose la question. Le prophète صلى الله عليه وسلم a utilisé trois termes: محدثات, بدعة et dalala. Il a dit kullu muhdathatin bid'a. Toutes les choses inventées, les nouvelles sont des bid'a. Après il a dit kullu bid'atin dalala. Il a dit toutes les bid'a sont des égarements, les innovations sont des égarements. Après il a dit wa kullu dalalatin fi an-nar. Et toutes les égarements sont dans le feu de l'enfer. Je vais te poser la question maintenant. Est-ce qu'il y a des bons égarements et des mauvais égarements? Non. L'égarement, c'est l'égarement. Est-ce qu'il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a? Si toutes les bid'a sont des égarements, est-ce qu'il y a des bonnes bid'a? Si tu dis qu'il y a des bonnes bid'a, ça veut dire qu'il y a des bons égarements. Hein? Si tu dis, par exemple, il y a des bons... Si c'est comme si tu disais, par exemple, Ahri, ça c'est péché. Et ça, c'est pas nécessairement un bon exemple, mais ça rentre dans le. Juste pour faire comprendre le sens. Ahri, ça c'est des péchés. Tu dis à quelqu'un qui aime faire des choses qui sont haram, que Allah a déclaré haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré haram, dans un hadith clair, comme boire de l'alcool ou je sais pas, faire d'autres péchés. Tu lui dis, ça c'est un péché, Ahri, c'est haram. Il dit, oui, c'est un péché, mais c'est un bon péché. Est-ce qu'il y a des bons péchés et des mauvais péchés? Non. Est-ce qu'il y a des bons égarements et des mauvais égarements? Non. Est-ce qu'il y a des bonnes bid'as et des mauvaises bid'as? Non. Toutes les bid'as sont des égarements sans exception. Et si tu veux prétendre qu'il y a une bonne innovation, il faut ramener à son sujet une preuve dans le Coran et dans la Sunna. S'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna pour dire que cette bid'a elle est bonne, ça veut dire que elle est mauvaise. Il n'y en a pas de bonne bid'a déjà. Et s'il y aurait une preuve dans le Coran, dans la Sunna, à son sujet qui permettrait de la faire, ça veut dire que ce ne serait même pas à la base d'une bid'a, puisqu'elle est légiférée, elle est dans les textes. Hein? Donc ça, c'est un point. Et un exemple de ça, c'est que le cheikh il a mentionné ici. Il dit فالمتقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله سبحانه وتعالى وقد أخرج البيهقي وغيره عن السعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال ابن المسيب لا ولكن يعذبك على خلاف السنة لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة وإذا الشيخ إذا علم ما تقدم فننظر إلى كل توسل on va traduire cette partie. Le cheikh, il dit, la personne qui cherche à se rapprocher d'Allah par une innovation, par une adoration qui n'est pas ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est perdant et pécheur, même s'il est sincère envers Allah lorsqu'il l'a fait. Et l'imam al-Bayhaqi et d'autres ont rapporté, selon Saïd ibn al-Musayyib, un des grands parmi les tabi'in, rahimahullah, et il a dit qu'il a vu un homme, Saïd ibn al-Musayyib a vu un homme qui priait après le lever du soleil. Il faisait une salat, il priait après le lever du soleil, mais il faisait plus que deux raka'at. Et dans chaque yani, raka'at, il faisait plusieurs sujoud et plusieurs recours. Est-ce que faire la salat c'est mal? Non. Est-ce que faire des recours c'est mal? Non. Est-ce que faire des sujoud c'est mal? Est-ce que quelqu'un peut dire que prier c'est quelque chose qui est mauvais? Non. Sauf que, l'homme, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, Saïd ibn al-Musayyib, il lui a dit, ne le fais pas. Il lui a interdit. Fanahahu. On va le faire tout de suite après. Alors, il lui a interdit. Il lui a dit, Ya Abba Muhammad. Oh Abba Muhammad. Est-ce que Allah va me punir parce que je fais la salat? Et ça, c'est l'exemple de ce qu'on trouve aujourd'hui de la part de certains. Quand, par exemple, on lui dit, Ya Akhi, qu'est-ce que tu fais? C'est une bid'a. Il dit, Subhanallah, je fais le dhikr. Est-ce que ça, c'est une bid'a? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit comme ça. Et là, il commence à, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya hey, tous ensemble comme ça pendant 2 heures, 3 heures. Il dit, qu'est-ce que je fais de mal? Je dis le nom d'Allah. Qu'est-ce que je fais de mal? Je fais le dhikr. Il y a des exemples comme ça. Et l'autre, il saute dans la mosquée. Il tourne en rond. Il fait des mouvements, il bouge sa tête, il bouge son corps. Il saute en avant, en arrière. Ils se mettent en groupe, en rond, ils mettent un drap blanc au milieu. Il dit, ça c'est le dhikr. Est-ce que Allah il va me punir parce que je fais le dhikr? Non, Allah ne va pas te punir parce que tu fais le dhikr, mais Allah va te punir. Comme l'imam Saïd ibn Musayyib a répondu à celui-là. Il dit, Allah ne va pas te punir parce que tu fais la salat. Allah va te punir parce que tu contredis la sunna. Et donc, Allah ne va pas te punir parce que tu fais le dhikr, mais Allah subhanahu wa ta'ala va te punir parce que tu contredis la sunna dans la façon de faire le dhikr. Tu fais le dhikr, mais d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faite. Et d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné. Et d'une façon que les sahaba n'ont jamais pratiqué également. Donc, comment par la suite tu vas dire, je fais le dhikr, je fais la salat, mais tu le fais pas de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de le faire, et tu prétends que ça c'est du dhikr, tu prétends que ça c'est la salat, tu prétends que ça c'est une bonne bid'a? Non. Et il y a des exemples aussi, la même chose à l'époque de l'imam Malik, la même chose. Il y a quelqu'un qui voulait faire l'ihram à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, rahimahullah, il vivait à Médine. Il enseignait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, fais l'ihram à partir de Dhul Hulayfa, pas à partir de la mosquée. Et l'homme a répondu à l'imam Malik, il lui a dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va me punir pour quelques kilomètres que j'ai rajoutés? Et l'imam Malik lui a dit, Allah ne va pas te punir pour des kilomètres seulement. Il va te punir parce que tu as contredit la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que, c'est-à-dire que la personne elle faisait quoi de mal? Elle priait, elle faisait des recours, elle faisait des sujoud, elle faisait des bonnes, une bonne action en apparence, mais elle ne le fait pas d'une certaine façon, et c'est la façon qui a été ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, c'est une innovation qu'elle fait, et ce qu'elle fait comme innovation, ce sera rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas récompenser la personne qui a fait ça de cette façon-là. Et il y en a qui vont mentionner comme exemple, pour essayer de justifier, par exemple, d'inventer des innovations dans la religion, le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ramené le tarawih, et qu'il n'y avait pas le tarawih à l'époque du professeur, c'est ce qu'ils prétendent. Donc ils disent ça, ça fait partie des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, il a prié le tarawih durant sa vie. Durant sa vie, les sahaba se sont réunis pendant le mois du Ramadan dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés en prière pendant 3 nuits. Et la 4e nuit, ils sont revenus. Et ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte, hein, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Ils ont attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte. Et vous savez que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est rattachée à ses appartements. Puisque il y avait des portes qui attachent les appartements de ces femmes à la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort directement de chez lui, rentre dans la mosquée, pas les portes de ses appartements qui sont attachés à la mosquée. Donc ils attendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte dans la mosquée. Et même certains d'entre eux commençaient même à envoyer des pierres, hein, pour que ça frappe la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils sachent que ils attendent dans la mosquée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti jusqu'à l'Fajr. Alors, quand il est sorti pour prier le Fajr avec eux, il leur a dit: je sais que vous m'avez attendu durant la nuit pour que je sorte pour prier avec vous, mais je ne suis pas sorti parce que je craignais que cela devienne obligatoire pour vous. Hein? Alors, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus personne n'a jamais fait les prières en groupe, à part les prières obligatoires, dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a eu le khilafat de Abu Bakr. Et dans le khilafat de Abu Bakr, c'était la même chose. Les gens priaient des fois dans la mosquée pendant le Ramadan, la nuit, mais ils ne priaient pas en groupe. Ils priaient des fois séparés dans la mosquée. Et ça a duré tout le temps du khilafat de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ensuite est arrivé le khilafat de Omar ibn Khattab. Et lorsque c'était le khilafat de Omar ibn Khattab, eh bien, c'est là que Omar ibn Khattab a décidé de ramener cette sunna qui avait été délaissée depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de réunir tous les gens dans la mosquée après le Isha, derrière un seul imam dans la mosquée, et de prier en groupe, le tarawih. Et quand Omar ibn Khattab a ramené cette sunna, hein, il s'est exprimé en disant: ni'matul bid'a hadhihi. Quelle belle innovation que celle-ci. Et les ulama de hadith, quand ils ont expliqué cette parole de Omar ibn Khattab, ils ont dit: ça, c'était pas une innovation dans le sens religieux. C'est-à-dire, c'est pas une innovation dans la religion. C'est une innovation au sens linguistique du terme. Dans le sens de quelque chose qui est nouveau, qui n'avait pas été fait préalablement. Hein? Même si ça avait été pratiqué à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cette chose-là avait été délaissée, et c'est Omar ibn Khattab qui l'a fait revivre. Hein? Et c'est pour ça qu'il a dit cette expression-là, et les ulama, ils expliquent donc qu'il y a une différence entre l'utilisation du terme bid'a au sens religieux, au sens de faire une innovation dans la croyance ou dans la pratique religieuse. Ça, c'est interdit et c'est toujours haram, c'est toujours mauvais, il n'y a pas de bonnes innovations dans ça, et de l'utiliser dans le sens linguistique. Donc tu dis par exemple une innovation dans le sens linguistique, c'est-à-dire dans les affaires qui ont rapport avec la dunya, c'est-à-dire innovation technologique, innovation matérielle, par exemple les voitures, les avions, les trucs comme ça, tu vois, les ordinateurs. Ça, c'est des innovations, mais ce n'est pas des innovations dans la religion, c'est des innovations dans les moyens techniques qu'on emploie pour faire des choses. Les voitures, les avions, les puits, l'électricité, tout ça, c'est des trucs technologiques. On peut dire que c'est des bid'ah au sens linguistique. Parmi les bid'ah dans ce sens-là, dans le sens linguistique, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont permises, il y en a qui sont interdites, il y en a qui sont haram, il y en a qui sont makruh, et ainsi de suite. Mais quand on parle de la religion, toutes les bid'as sont haram, toutes les bid'as sont mauvaises et interdites. Il n'y en a pas de bonnes bid'as dans la religion. Ça, c'est très important de le comprendre. Et parmi les ulama qui ont clarifié ce point-là, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Shawkani dans son tafsir, dans son livre Fath al-Qadir, Nail al-Awtar, il l'a expliqué là-dedans aussi, et beaucoup d'autres ulama aussi, parmi les ulama d'Ahl-Sunna de notre époque et du passé, même l'imam Ibn Taymiyyah, il parle de ça dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, et dans d'autres livres aussi, il clarifie ce point-là, et beaucoup d'autres. Donc, ça c'est parmi les choubouhats que les gens utilisent pour essayer de justifier. Aussi, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que toute action qui a été faite par les Khulafa Rachidin, ça ne peut pas faire partie des innovations. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnat al-Khulafa al-Rashidin ». Donc, qu'est-ce que les Khulafa Rachidin font? Ça ne fait pas partie des innovations. Puisque c'est quelque chose qui a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous de les suivre. Hein? Et en même temps aussi, c'est quelque chose sur laquelle ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire, les sahabas se sont mis d'accord lorsque ils ont fait quelque chose et qu'ils sont tous d'accord sur quelque chose. Alors, dans ce cas-là, ça fait partie de ce qu'on appelle al-ijma. Et donc, ça devient une preuve législative dans la religion, dans la charia d'Allah. Et donc, on ne peut pas dire que dans ce cas-là, c'est une innovation. Donc là, on peut répondre donc dans cette façon-là, ou dans ce sens-là, pour certaines choses que les sahaba ont ramenées à leur époque, comme par exemple l'adhan de Othman, l'adhan que Othman avait ajouté le jour de vendredi, dans le souk. Hein. Ou bien, yani le fait d'écrire le Coran dans un livre et de rassembler les pages ensemble, hein, ou des choses de ce genre. Toutes ces choses-là font partie des choses sur lesquelles les sahabes sont mis d'accord et ils ont une ijma et ça a été fait par les Khulafa Rachidin, donc ça ne rentre pas dans les innovations. Donc on va s'arrêter donc ici, juste après avoir terminé la dernière phrase que le cheikh mentionne. Il dit وَإِذَا عُلِمَ مَا تَقَدَّمَ فَنَنْظُرْ إِلَىٰ كُلِّ تَوَسُّلٍ هَلْ تَوَفَّرَ فِيهِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ أم لا؟ هل فيه إخلاص لله؟ هل هو مما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh il dit donc on demande maintenant, une fois qu'on a su cette chose là par rapport au tawassul, hein, on regarde maintenant toute forme de tawassul. Hein, que quelqu'un peut ramener. Est-ce que ça respecte ces deux conditions qu'on a mentionnées, c'est-à-dire la première condition, al-ikhlas, et la deuxième condition, que ce soit en accord avec l'exemple de la sunna du prophète sallallahu. Si c'est le cas, alors c'est accepté, sinon c'est rejeté. Et c'est ça ce que le cheikh va faire justement en mentionnant et en expliquant les différentes catégories de tawassul pour distinguer entre le tawassul qui est interdit et le tawassul qui est permis. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.